Psaume 135. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, vous serviteurs de l'Éternel, louez-le. Vous qui assistez en la maison de l'Éternel, au parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, psalmodiez à son nom, car il est agréable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob et Israël pour son plus précieux joyau. Certainement je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. L'Éternel fait tout ce qui lui plaît, dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. C'est lui qui fait monter les vapeurs du bout de la terre, il fait les éclairs pour la pluie, il tire le vent hors de ses trésors. C'est lui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, tant des hommes que des bêtes. Qui a envoyé des prodiges et des miracles au milieu de toi, ô Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Qui a frappé plusieurs nations, et tué les puissants rois. Savoir, Sion, le roi des Amoréens, et Og, le roi de Basan, et ceux de tous les royaumes de Canaan. Et qui a donné leur pays en héritage, dis-je, à Israël, son peuple. Éternel, ta renommée est perpétuelle, Éternel, la mémoire qu'on a de toi, est d'âge en âge. Car l'Éternel jugera son peuple, et se repentira à l'égard de ses serviteurs. Les dieux des nations ne sont que de l'or et de l'argent, un ouvrage de main d'homme. Ils ont une bouche, et ne parlent point, ils ont des yeux, et ne voient point. Ils ont des oreilles, et n'entendent point, il n'y a point aussi de souffle dans leur bouche. Que ceux qui les font, et tous ceux qui s'y confient, leur soient faits semblables. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel, maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison des Lévites, bénissez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Béni soit de Sion l'Éternel qui habite dans Jérusalem. Louez l'Éternel.